Le comité préparatoire slovaque pour la célébration de la Journée du Soleil vient d'être constitué à Bratislava. Il a fixé l'espace du 11 mars au 20 avril comme période de célébration et décidé d'organiser diverses cérémonies politiques et culturelles comme conférences et séances de films pour exalter la vie sacrée révolutionnaire et les exploits immortels du président Kim Il-sung.